بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui donc le cours 20 dans l'explication du livre شرح منظومة الآداب de l'imam al-Mawardi avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. On a commencé donc un autre chapitre depuis deux cours. C'est حكم الآلات ou حكم آلات اللهو والغناء والشعر, le jugement au sujet des instruments de musique et de la musique, de la chanson et des poèmes. Donc au dernier cours, on a parlé rapidement de la question des instruments de musique et on a expliqué le jugement à propos du dof. On a expliqué donc que les instruments de musique en islam c'est haram et l'exception à ce sujet c'est seulement d'utiliser le dof. Et on a expliqué que c'est le dof qui n'a pas de cymbale, qui n'a pas de cymbale sur les côtés, donc comme un cerceau avec une peau tendue dessus. Et les femmes ont le droit de se réunir le jour de Eid ou le jour de mariage, lors de la fête du mariage, pour annoncer le mariage, et elles peuvent frapper le dof et faire des chants, hein, des chants, chanter des chansons traditionnelles. C'est pas comme certains. J'ai remarqué que ils se permettent beaucoup de choses en utilisant justement cet exemple de ce hadith qu'on a mentionné par rapport au dof. Et Cheikh Al-Albani, il a expliqué ces points-là dans son livre Adab al-Zafaf. Il en a parlé un peu et d'autres ulama également en ont parlé. Et parmi les gens justement qui ont exagéré à ce sujet-là et qui ont essayé justement d'utiliser ça comme un prétexte pour rendre la musique halal, c'est Al-Qardawi dans son livre Al-Halal wal-Haram fil Islam. Il essaie d'utiliser l'histoire justement des femmes qui frappaient le dof le jour de Eid ou le jour d'une fête de mariage pour essayer de dire que ça c'est la preuve que, ou c'est un argument pour justifier la musique. Et bien entendu, les ulama, alhamdulillah, l'ont réfuté à ce sujet. Et parmi les ulama qui l'ont réfuté, il y a Cheikh Al-Fawzan qui a écrit un livre justement pour réfuter ce livre de Al-Qardawi, et également Cheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, qui également a écrit un livre pour le réfuter, Al-Kalb Al-Awi, Iskat Al-Kalb Al-Awi. Donc c'est un livre dans lequel il réfute Qardawi sur plusieurs de ses erreurs. Et donc d'utiliser l'argument du hadith des femmes qui se sont réunies pour frapper le douf, premièrement, ça c'est un hadith qui mentionne juste la permission pour les femmes entre elles de frapper le douf, et non pas dans des endroits où il y a de la mixité, ou bien un endroit ou bien que là, ça donne pas la permission aux hommes de le faire, puisque c'est quelque chose qui est spécifique aux femmes. Et en même temps, c'est pas non plus comme certaines femmes qui font, par exemple, lorsqu'il y a un mariage, pas seulement les femmes, mais déjà en général, des familles, lorsqu'ils ont un mariage, ils invitent des orchestres. Un orchestre pour faire de la musique, ou bien un DJ. Hein, maintenant, c'est plus moderne, ils invitent un DJ. Donc, ça, c'est clair que c'est pas permis dans l'islam. Et surtout si le mariage, il y a de la mixité, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave comme péché. Surtout qu'on sait que dans les fêtes de mariage, les femmes, elles mettent leurs plus beaux atours en général, et elles se maquillent et ainsi de suite. Donc d'avoir les hommes mélangés avec les femmes dans ce genre de situation, c'est encore plus grave qu'en temps normal. Donc ce genre de choses, c'est pas permis. Et il y a des femmes aussi, qu'est-ce qu'elles font pour essayer, elles essaient de ne pas faire de la mixité. Donc il y a des familles musulmanes qui essaient de s'attacher à l'islam et qui font pas de mixité. Donc quand les femmes se retrouvent entre elles, elles vont mettre des cassettes enregistrées de Anachid ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est que les femmes, elles se réunissent entre elles et qu'elles prennent le dof elles-mêmes et qu'elles chantent entre elles en frappant le dof si elles veulent. Ça, c'est correct. Mais de mettre des enregistrements ou des cassettes, ça, c'est ouvrir une porte à la fitna aussi. Parce que maintenant, c'est rendu que certaines personnes, elles sont devenues des chanteurs professionnels d'anachid. Yani. Et les anachides, c'est pas quelque chose que quelqu'un doit faire comme un métier. De chanter, devenir chanteur, c'est pas quelque chose dans l'islam que quelqu'un doit faire pour un métier. Même si aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est considéré pour certains comme étant un métier honorable. Alors qu'en islam, yani, c'est quelque chose qui est détestable et blâmable. Donc il n'y a pas de place dans l'islam pour ce genre de métier-là. Et également aussi les anachides soi-disant islamiques. Et bien, on a expliqué également que ça ne fait pas partie de l'islam. Puisque dans l'islam, il n'y a pas de anachide qu'on appelle islamique. Et il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on dit de quelque chose que cette chose est islamique, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? De dire que quelque chose est islamique, ça implique que cette chose-là, c'est une forme d'adoration. C'est-à-dire que c'est un moyen par lequel on peut se rapprocher d'Allah et que Allah a légiféré et qu'il aime. Et donc, si tu dis ça des anachides, ça implique quoi? Ça implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait ordonné ou enseigné ou encouragé ou incité à faire des chansons ou à chanter ou à faire de la musique dans le but de se rapprocher d'Allah. Or, ça ne fait pas du tout partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et à la limite, il a permis aux femmes de chanter des chansons traditionnelles, pas des chansons religieuses, des chansons traditionnelles. Et lorsqu'on regarde les paroles, justement, de certaines des paroles, des chansons que les femmes récitaient lorsqu'elles faisaient ces célébrations-là et qu'elles frappaient le douf, les sahaba ont rapporté, par exemple, dans les hadiths, certaines des paroles que les jeunes filles chantaient en frappant le douf. Et lorsqu'on regarde les paroles, c'est pas des paroles religieuses. Hein? L'important, c'est que ce soit pas des paroles dans lesquelles il y a des choses haram. Et parmi les exemples de ce que je me souviens juste comme ça, par rapport à ce que j'ai lu dans les hadiths à ce sujet-là, il y avait la jeune fille qui chantait et elle disait dans la chanson « Ataynakum, ataynakum, fahayyuna, nuhayyikum » ce genre de paroles-là. Donc, il n'y a pas de chanson. C'est pas comme ils vont commencer à dire « Allah, Ya Rabbi » ou des choses comme ça. C'est pas le but de faire une prière. Hein, parce que dans l'islam, il n'y a pas de prière musicales ou des chants religieux. Ça, c'est des bid'as que les soufis ont inventés en imitant les chrétiens, en imitant les juifs ou en imitant d'autres parmi les kuffars. Tala al-badru alayna. Wallahu alam. Yani, cette chanson qu'ils racontent là, ou qu'ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà dedans, il y a du shirk. Et donc, ça peut pas être quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. D'accord? Et c'est pas authentique, effectivement, cette chanson-là. Et même quand ils disent dans la chanson, طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَةِ الْوَدَعِ, les ulama, ils ont expliqué que même ثَنِيَةِ الْوَدَعِ, c'est même pas la direction par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé pour venir à Médine. Parce que ثَنِيَةِ الْوَدَعِ, comme les ulama de Sira, ils ont expliqué, c'est une direction qui est au nord de Médine. Ça veut dire que c'est lorsque quelqu'un revient de la Syrie qu'il passe par Thaniyat al-Wada. Donc, ça ne fait pas de sens de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu Parce que quand il dit Tala al-Badru, il parle du prophète qu'il représente dans cette chanson comme étant la pleine lune. Hein? Et Thaniyatul Wada, donc il est pas venu du nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu du sud, il venait de Mecca. Donc ça, c'est une autre raison qui montre que cette chanson, elle n'a pas de sens. Et ce n'est pas vrai d'attribuer que les sahaba ont chanté ça lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. À la kulli hal, il faut pas essayer de chercher des prétextes ou des excuses, ramener des histoires comme ça. Beaucoup de gens comme ça, ils se basent sur des histoires sans vérifier l'authenticité des choses. Et puis, c'est clair que c'est pas des hadiths de toute façon, c'est seulement des récits que des gens ont ramenés. Et est-ce qu'il y a une isnad? Est-ce qu'il y a une chaîne de transmission authentique pour cette histoire-là? Donc, si ce n'est pas le cas, alors on n'a pas le droit de se baser là-dessus pour essayer de se référer à ça pour permettre quelque chose comme ça. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important de spécifier cette question des anachid? Cheikh Al-Fawzan, il a justement plusieurs fatwas sur cette question. Et pas seulement lui, beaucoup d'autres d'entre les ulama, ils ont fait de nombreuses fatwas pour ça. Et ceux qui ont été la plus grande cause de la propagation de ces soi-disant anachides, eh bien c'est les Ikhwan, Al-Ikhwan al-Muflisun, les suiveurs ou les fidèles ou les adeptes de la secte des frères musulmans, c'est-à-dire de Hassan al-Banna, ceux qui ont suivi Hassan al-Banna. Et une des philosophies ou une des idées, des principes de cette secte ou de ce groupe des Ikhwan, c'est d'essayer de rendre toute chose islamique. C'est-à-dire, ils disent que tout ce qui existe chez les kuffars ou chez les pêcheurs ou chez les gens qui ne suivent pas l'islam, tout ce qui existe chez eux et que les gens aiment, eh bien, ils essaient de dire qu'il faut en faire une alternative soi-disant halal. Mais ça implique quoi pour eux? Ça implique de faire une version et de l'appeler islamique. Et ils pensent qu'en disant que cette chose est islamique, que la chose devient halal automatiquement. Donc, on a vu, par exemple, que ces gens-là, ils vont faire de la musique islamique, ils vont faire des toutes sortes de choses comme ça qu'ils font. Dernièrement, ils ont fait les trucs de maillot de bain islamique. Ils ont fait également, ils ont dit la démocratie islamique. Ils ont fait également des parades de mode soi-disant islamiques. Ils font également quoi? Ils ont beaucoup beaucoup d'exemples de ce genre de... Ouais, ils disent ouais, parce que après, comme tu dis, ils vont dire pourquoi vous êtes dur comme ça, hein? Pourquoi vous voulez être très dur, pourquoi vous voulez pas laisser les gens s'amuser, faire des choses. C'est ça. Donc, ils vont faire de la mixité. Ils vont dire, ça, c'est la mixité islamique. Mélange les hommes et les femmes. Après, ils vont dire, ça, c'est, par exemple, des discothèques islamiques. Ils vont faire des trucs comme ça. Ils prétendent que c'est pas mentionné dans le Coran. Et en fait, eux, quand ils disent ça, c'est parce que eux, les Ikhwan, ils ont inventé leur version de ce qu'ils appellent le hijab. Et c'est le petit foulard ou le fichu que les femmes mettent sur leurs cheveux, hein, et qui laisse paraître, par exemple, tout le devant de leur chevelu, elle paraît. Et puis, en bas le reste de leur corps, qu'est-ce qu'elles portent? Le reste de leur corps, ça c'est, hein, par exemple, ils vont dire, ça c'est pas grave, la femme elle peut porter le vêtement qu'elle veut. Mais du moment qu'elle met un petit fichu sur ses cheveux, ça c'est un voile islamique. Alors qu'en réalité, le vrai hijab shara'i, hein, c'est le djilbab, et il couvre le corps de la tête au complet, de la tête aux pieds. Donc, leur hijab qu'ils ont inventé, qu'ils appellent islamique, il n'a rien à voir avec l'islam en réalité. Ouais, parce qu'elles cherchent, surtout si elles cherchent à suivre leur passion, elles vont essayer de trouver n'importe qui vont leur rendre licite ce qu'elles veulent faire. Non. Ils ont inventé des partis islamiques, ils ont inventé la musique islamique, les chanteurs islamiques, ils ont inventé même le cinéma islamique, les théâtres islamiques. Hein? Ils prétendent faire la da'wa par le théâtre. Hein? Ils ont inventé les banques islamiques, hein? Les maillots de bain islamiques. Ils ont inventé également le féminisme islamique, le socialisme islamique. Hein? Et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses comme ça qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. D'accord? Et il pousse les jeunes vers ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que tu trouves des chanteurs. Si tu écoutes leur musique, ou si tu entends leur musique, tu vas pas voir aucune différence entre Michael Jackson ou bien des groupes de rap même maintenant. Soi-disant, ils font du rap islamique aussi. Donc, des groupes de rap, hein, tu vas pas trouver de différence entre ces groupes-là et les groupes de rap américains ou les groupes de rap français ou ainsi de suite. Et quand ils font leur rap, la seule différence, c'est que ils vont faire des raps en mentionnant par exemple le nom d'Allah ou en disant des choses religieuses. Et ils disent ça, c'est du rap islamique parce qu'on mentionne des choses religieuses. C'est la même chose exactement que ce que les chrétiens font. Hein, dans les églises. Si tu vas dans les églises, moi, y a juste ici, là, en, pas loin, y a, juste en bas, y a, quand tu descends, tu vois que ils font leur musique. Ils ont tous les instruments et puis ils font la même musique que qu'est-ce que tu entends dans les magasins. Là, quand tu rentres dans les magasins, tu entends cette musique. La même chose, sauf que au lieu de dire les paroles que les autres disent. Ils commencent à dire Jésus, Jésus, ils disent le nom de Jésus dans la chanson, ça devient une musique chrétienne. Hein? Mais il n'y a pas de différence entre la musique populaire puis leur musique. Et ces gens-là, les Ikhwan et ceux qui sont de leur même catégorie, ils font la même chose au nom de l'islam. Ils font des musiques populaires et puis. Yani, il chante des choses en disant le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le nom d'Allah, ou bien des choses de ce genre. Et ça, c'est grave, et même que c'est peut-être même plus grave que la musique populaire. Parce que la musique populaire, c'est de la musique hein, qui mentionne rien de religieux. Tandis que la musique religieuse, soi-disant, non seulement c'est haram, mais en plus c'est une bid'a. Parce qu'ils en font une adoration. Tandis que la musique populaire, elle n'est pas religieuse et elle n'est pas faite au nom de la religion. Donc, à la limite, hein, c'est un péché. Et le péché, il est moins dangereux pour le musulman que la bid'a. Pourquoi? Parce que les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là. Ils ont dit, la bid'a, elle est plus aimée par le shaitan que le péché. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est parce que les ulama, ils ont expliqué, même les salafs, ils ont parlé de ça. Il a dit, al-ma'siyah yutabu minha, wa amma al-bid'a fala yutabu minha. Exact. Non seulement ça, c'est un mensonge à propos d'Allah, un mensonge à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un mensonge contre sa charia. Et comme les salafs ont expliqué, la bid'a, tu t'en repens pas. Tandis que le péché, tu t'en repens. Pourquoi? Parce que le péché, quand tu le fais, tu es conscient en toi-même que ce que tu fais, c'est haram. Et tu ressens en toi-même un remords en le faisant. À la limite, tu peux t'en repentir parce que tu es conscient que ce que tu fais, c'est mauvais. Tandis que la bid'a, c'est le contraire. Celui qui fait une bid'a, il s'imagine que Allah aime ce qu'il fait et il pense même peut-être qu'il est récompensé en le faisant. Donc, comment cette personne va-t-il se repentir de quelque chose qu'il fait et il pense que c'est quelque chose que Allah aime. Donc c'est très très rare qu'un innovateur ou quelqu'un qui fait des bid'a se repente de sa bid'a. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que le shaitan, il préfère la bid'a au péché. Et c'est pourquoi le péché est beaucoup plus dangereux que la bid'a. Parce que la bid'a, c'est une forme de législation religieuse. Tandis que le péché, c'est juste une désobéissance simple à Allah. Et la bid'a, c'est une désobéissance en légiférant dans la religion. Donc, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. D'accord? Donc, ce genre d'attitude, ce genre de pratique, on la retrouve à la base chez les soufis, de faire des musiques religieuses. Et les ikhwanes, bien entendu, on sait que leur origine, leur background, c'est un background justement soufi. Puisque Hassan al-Banna, il était lui-même éduqué dans une tariqa soufie. Il faisait partie de la tariqa al-Shadhiliya al-Hisafiya. Il a donné même une bay'a au cheikh de la tariqa. Donc, il a grandi là-dedans. Il a baigné là-dedans. Et c'était ça son background. D'accord, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que ces gens-là soient comme ça. Et que ces gens-là fassent ça. Allahu musta'an. D'accord, donc tout ça c'est pour dire que la musique c'est une grosse fitna, surtout à notre époque. Et c'est même devenu pour certains, non seulement un moyen de se distraire et de s'éloigner du rappel d'Allah, mais également c'est même parfois un mode de vie. Pourquoi? Parce que dans la musique, il y a des philosophies qui sont véhiculées. Il y a des mentalités, il y a une mode, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de vivre qui est reliée à certains styles de musique. D'accord? Donc, si par exemple quelqu'un il écoute de la musique rap, par exemple, eh bien, il y a un mode qui est relié à ça. Hein? Le monde du hip-hop, il y a des vêtements, il y a un code vestimentaire, il y a une mentalité, il y a des façons de parler, des façons de bouger, des façons de vivre qui sont liées à ça. Et ça t'éloigne complètement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Et ça, si on parle de d'autres styles de musique, c'est la même chose. Que ce soit le rock ou le heavy metal ou bien toutes sortes de nouvelles sortes de musique qui n'existaient même pas avant, qui sont nouvelles maintenant, que moi j'ai jamais entendu parler. Mais tout ça pour dire que le musulman, il n'a pas le droit de rentrer dans ces affaires-là et commencer à imiter ces modes-là et commencer à vouloir suivre ces styles-là. Parce que les gens, ils se réunissent entre eux selon leur apparence. On dit en français qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais tu vois, les gens qui écoutent un style de musique, ils sont toujours ensemble. Et ceux qui écoutent un autre style, ils se tiennent ensemble, ils ont leur code vestimentaire par lequel ils se reconnaissent, puis ils se réunissent comme ça. Al-mar'u ma'a man ahab, na'am. L'être humain sera ressuscité avec ceux qu'il aime. Donc, est-ce que tu voudrais être ressuscité avec les prophètes et les messagers et les sahaba et les croyants? Ou bien tu veux être ressuscité avec les chanteurs, les rappers, les gens qui sont dans toutes sortes d'égarements? Allah musta'an. Et donc ça c'est un point. Puis aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, celui qui imite un peuple, hein, ou qui essaie de leur rassembler, il est un des leurs. Donc si ceux que tu essaies d'imiter c'est des kuffars et des mushrikin, eh bien tu vas être avec eux, hein. Donc j'ai vu une fois dans une émission au Sénégal des jeunes. Et puis tu vois que ils voulaient faire du rap ou de la musique reggae, hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent les chanteurs de reggae. Les chanteurs de reggae, beaucoup d'entre eux c'est des Rasta. Et Rasta c'est une religion, hein. Les Rastafariens c'est une religion. Et vous savez c'est quoi la religion, la croyance de ces gens-là? Leur croyance au Rasta c'est que Haïlé Selassie, l'ancien empereur éthiopien, ils disent que c'est Dieu incarné, que c'est la deuxième venue de Jésus, Issa. Donc ils l'adorent, hein, et ils disent carrément que c'est leur Dieu. Et ils font son image, ils mettent ses photos dans leur maison, puis ils prient à cet homme-là. Alors qu'on sait qu'en plus, c'était un grand tyran et un ennemi des musulmans en Éthiopie, Allah al-Musta'an. Et non seulement ça, mais il rend halal plein de choses qui sont haram. Donc, ils se permettent le shirk. Et donc, de vouloir imiter ces gens-là, de vouloir même mettre leurs cheveux comme eux, hein, avec les dreads et tout ça. Ça, là, ça n'a rien à voir avec, hein, le comportement du musulman. Et puis, quand il répétait des paroles, ces jeunes Sénégalais-là, et ils disaient Djano, hein, Dja, dans le langage des Rastas, c'est pour désigner justement Haïlé Selassie. Hein, même si à la base, c'était pour désigner, parce que c'est en hébreu, quand ils écrivaient Yahuwah, ça voulait dire celui qui est, c'est-à-dire Allah. Hein, mais eux, ils l'appliquent pour désigner celui qu'ils prennent comme étant Dieu, c'est-à-dire Haïlé Selassie. Donc, il faut vraiment faire attention. Sans oublier qu'ils permettent la marijuana et ils fument ça comme étant un moyen de comment on dit, non, un moyen de communion avec Dieu. Oui, parce qu'ils disent que lorsqu'ils sont drogués, là, ils pensent qu'ils arrivent à avoir une conscience de certaines réalités spirituelles, soi-disant. Il y a un peu comme les chrétiens qui boivent du vin pendant la messe, ou bien d'autres religions comme ça qui ont ce genre de pratiques qui sont contraires à la foi. Donc, il faut faire attention pour les jeunes musulmans de suivre les peuples mécréants dans leurs pratiques, dans leurs croyances. Et un des dangers, justement, d'imiter les peuples mécréants, c'est justement, même si à la base, c'était pas inspiré par une approbation de leurs fausses croyances religieuses, mais le fait de les imiter, même dans des choses de la dunya, ça peut amener les musulmans petit à petit à vouloir leur ressembler et les imiter, même dans leurs croyances religieuses, et ça c'en est un exemple. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est impliqué par le fait de suivre le droit chemin, c'est de s'écarter, hein, des gens de l'enfer et de leur façon de vivre, de leur façon de croire et de leur façon d'être. Hein. Et il a expliqué dans ce livre-là les principes et les fondements de la religion qui établissent que de se distinguer et de contredire les gens du kofr et du shirk et les juifs et les chrétiens, c'est un des principes fondamentaux de la religion musulmane. Donc ce livre-là, il est vraiment clair à ce sujet. On a commencé même à lire l'explication de ce livre. On a fait plus qu'une centaine de cours sur ce livre-là. On n'a pas terminé, mais on a lu une grande partie, puis on a expliqué. Donc les preuves les plus importantes, on les a déjà expliquées. Donc tout ça pour dire, Réani, c'est extrêmement dangereux. Si les jeunes, à notre époque, beaucoup de parents musulmans, ils savent pas qu'est-ce qu'ils écoutent, quand ils voient leurs enfants, par exemple, en train d'écouter des choses dans leurs écouteurs ou dans leur téléphone, ils écoutent pas les paroles de qu'est-ce que ces gens-là disent. Les parents, ils savent pas. Donc, si, par exemple, un parent musulman, il voit que ses enfants, écoutent c'est ce genre de musique, eh bien, il devrait faire attention parce que beaucoup de ces enfants-là, ils sont influencés par qu'est-ce que ces gens-là racontent dans leurs chansons ou dans leur musique. Et beaucoup d'entre ces gens-là qui chantent, ils ont un message dans leur musique. Et beaucoup d'entre eux, justement, leur message est corrompu parce que eux-mêmes, ils sont perdus et égarés. Et parfois, certains d'entre eux, ils s'imaginent qu'ils sont en train de transmettre un bon message, alors qu'en réalité, c'est de l'égarement. Et celui qui est égaré, il ne peut pas guider les autres. Pour que tu puisses guider les autres, il faut que tu commences par te guider toi-même et être bien guidé toi-même. Et si tu es ignorant, comment tu peux guider les autres? Et si tu es mal guidé ou tu es égaré, comment tu peux guider les autres? Tu ne peux pas. Donc, ces gens-là, hein, ils pensent utiliser une bonne méthode. Il y en a beaucoup d'entre eux, je le sais. Il y en a parmi les jeunes qui sont rentrés dans des trucs de rap ou de musique avec une bonne intention à la base, mais par ignorance. Ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient pouvoir passer un message aux gens ou faire réfléchir les gens ou des choses de ce genre. Mais ça, ce n'est pas la voie et ce n'est pas la méthode. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'a pas utilisé cette méthode-là. Et si c'était la bonne méthode, c'est cette méthode qu'il aurait employée. Et pas seulement lui, les autres messagers avant lui aussi. Et aucun d'entre eux n'a utilisé ce genre de méthode-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné, hein, que les shu'ara, les poètes, hein, ils sont uniquement suivis par les gens perdus et égarés. Wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, franchement, il faut vraiment faire attention à ça. Et faire attention à qu'est-ce que les enfants regardent, qu'est-ce que les jeunes écoutent. L'autre jour, Yanni, j'ai entendu même que maintenant il y a des groupes de rap ou des chanteurs de rap qui rappent en arabe. Des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, et ils rappent dans leur langue, dans leur dialecte. Et les trucs qu'ils racontent, beaucoup d'entre eux, c'est des égarements totaux. Et il y en a qui pensent qu'ils ont un message social. Hein? Ils parlent pour, soi-disant, pour défendre la justice. Et il y en a qui rentrent même avec ça dans les idées des khawarij et des idées de critiques des dirigeants et des gouverneurs. Et ils pensent qu'ils dénoncent l'injustice en utilisant cette méthode-là. Et même parmi les chanteurs et les rappeurs, yani, qui sont même en français, c'est la même chose. Donc, ils s'imaginent qu'ils se battent pour la justice, qu'ils défendent pour dire la vérité, qu'ils critiquent les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir et des choses de ce genre. Ils pensent que ça, c'est la bonne méthode. Et c'est sûr que les koufars, ils applaudissent ce genre de discours parce que c'est ça leur mentalité, c'est ça leur idéologie. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup d'entre ceux qui ont ce discours-là, c'est des musulmans. Hein? Je parlais avec un frère une fois, puis il m'a dit, Yanni, oui, ce gars-là, il vient de la Côte d'Ivoire, il chante, et c'est un musulman. Donc j'étais étonné de savoir ça, parce que moi je ne savais pas que c'était des musulmans, ces gens-là. Hein? Donc, Allah al-Musta'an. L'ignorance, et parfois c'est l'égarement aussi. Des fois, il y a des gens, c'est des ignorants, dans le sens que ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, qui est contraire à l'islam, mais pas parce qu'ils voulaient contredire la religion, parce qu'ils ne savaient pas que c'était contraire à la religion. Tandis qu'il y en a d'autres, ils savent que c'est contraire à la religion, mais ils le font exprès. Hein? Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'égarement. Hein? Et ils ont une intention derrière qui est d'égarer les autres avec eux. Et ça, c'est la preuve que c'est des gens vicieux, des gens mauvais. Donc, on a mentionné les preuves à ce sujet-là, on a mentionné des points à ce sujet-là, et le cheikh il dit ensuite وَفَقَوْلُهُ لَا غُرْمَ لَا غُرْمَ فِي دُفِّ السُّنُوجِ كَسَرْتَهُ خَصَّصَ بِدُفِّ السُّنُوجِ لِيَخْرُجَ الدُّفَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سُنُوجِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire que si quelqu'un brise un douf sur lequel il y a des cymbales, il n'aura pas à dédommager la personne pour avoir brisé cet instrument, ok, s'il y a des sunouj, c'est-à-dire s'il y a des cymbales. Si c'est un douf ordinaire, ça c'est pas, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Et le cheikh il dit ensuite La suite du poème, il dit wala suwarin aydan wala alati dadi. Wala alati dadi. Et il dit le cheikh la suwar wa kadhalika kasr as-suwar wa at-tamathil wa as-surar aw as-suwar al-mu'allaqa sawa kanat tamathil aw ghayr tamathil wa law kanat marsuma aw multaqata بالآلات الفوتوغرافية فالصور المعلقة يجب إتلافها يجب إتلافها والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول في بيت عائشة رأى قراما سترت به فتحة في الجدار نعم رأى قراما سترت به فتحة في الجدار فيه تصاوير فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى هتك هذا الستر وقطع وجعل وسائد فحينئذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فالصور سواء كانت تماثيل أو كانت غير تماثيل مرسومة أو منقوشة أو ملتقطة بآلات فوتوغرافية فكلها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كل الصور في النار وهذا عام كل الصور كل مصور نعم كل مصور في النار وهذا عام كل مصور بأي شكل لأن الصور التي استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ليست تماثيل وإنما هي مرسومة في القماش فالذين يقولون إنه لا يحرم إلا التماثيل فقولهم غلط كبير والصور بجميع أنواعها محرمة تماثيل أو غير تماثيل إلا الصور الممتهنة التي تداس وتوطى أو يتكأ عليها فهذه لا حرمة لها لأنه لما هتك القرام وجعل وسائد اتكأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الصور المعلقة والصور المحفوظة في الصناديق للذكريات أو الصور المنصوبة تماثيل على الطاولات أو على المداين أو في الميادين أو غير ذلك فهذه كلها محرمة يجب إتلافها ومن أتلفها فلا ضمان عليه لأنها منكرات لكن الذي يتلفها هو Man ladayhi sulta. Donc ici le cheikh il parle maintenant d'un autre sujet également. Il parle des images. Des images et des représentations. Il dit peu importe que ces images-là soient des statues ou bien des photos ou des images accrochées. Peu importe que ce soit des statues ou des sculptures, comme on dit. Ou bien autre que des sculptures, comme des images dessinées à la main, ou des photographies. Bien entendu, on spécifie ici des images et des statues ou des sculptures d'êtres humains ou d'animaux. Si c'est des choses abstraites ou des êtres qui ne sont pas vivants, par exemple, des dessins de la nature, des dessins des arbres, du ciel, ou des choses de ce genre, et ça, c'est pas grave. Mais si c'est des êtres vivants, des êtres humains ou des animaux, alors là, dans ce cas-là, c'est interdit de faire ces représentations-là, que ce soit des photos ou des sculptures, que ce soit des photos dessinées à la main ou que ce soit des photographies. Le cheikh, il dit, il est obligatoire de les détruire. Il est obligatoire de les détruire Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu entrer dans la maison d'Aïcha un jour, et il y a un rideau qui avait été accroché. Et elle avait placé ce rideau-là sur le mur pour cacher un trou, ou une ouverture qui était dans le mur, ou une fenêtre, comme un genre de rideau. Alors, sur ce rideau, il y avait des dessins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu d'entrer dans la maison jusqu'à ce que ce rideau soit retiré et qu'on le coupe et qu'on fasse avec des coussins. Hein. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la maison. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, dans ce hadith, on voit que ça, c'est la preuve que les images, hein, peu importe que ce soit des images dessinées ou des sculptures ou des photographies faites avec des caméras ou autres, que tout ça, c'est haram. Et le cheikh dit la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Kullu musawwirin finnar » C'est-à-dire, toute personne qui fait des images ou des représentations, il est dans l'enfer. Il est dans l'enfer. Ça, c'est général. Et peu importe la forme de cette représentation-là. C'est-à-dire, peu importe l'outil avec lequel il l'a fait ou la forme par laquelle on trouve cette représentation-là. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a condamné ou critiqué ou désapprouvé de ce rideau qui était dans la maison sur lequel il y avait des images. Et ça, c'est la preuve que c'est pas seulement les statues qui sont interdites, même les images dessinées sur du tissu. Pourquoi il spécifie ici? Parce que certains, par exemple, comme Al-Qardawi, dans son livre Al-Halal ou Al-Haram fil Islam, il prétendait que c'est seulement les statues qui sont interdites. Tandis que si ce n'est pas des statues, si c'est des images de dimension, dans ce cas-là, c'est permis. Sauf qu'il n'y a rien qui distingue dans la charia et dans les hadiths entre les dessins trois dimensions ou les dessins deux dimensions. Tout ça, c'est considéré pareil. Tout ça, c'est considéré pareil parce que c'est des représentations. Oui, les photos qu'on prend des êtres humains ou des animaux, de nous-mêmes ou des autres, de la famille, tout ça, ça rentre là-dedans. Et le cheikh, il dit, donc ceux qui disent que c'est seulement les statues qui sont interdites, ça c'est une grande erreur, c'est une grosse erreur. Il dit que les images que les gens font sont toutes interdites, que ce soit des statues ou non, excepté, et là il y a une exception ici, excepté les images qu'on fait et qui sont rabaissées et dénigrées. Il dit comme par exemple les images sur des tapis sur lesquels on marche, ou des choses qu'on met par terre, ou les choses, des coussins sur lesquels on s'appuie quand on s'assoit dessus. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que ces images-là ne sont pas respectées, ne sont pas vénérées. D'accord? On marche dessus et on les met sur des endroits, où on va s'asseoir dessus ou marcher dessus ou s'appuyer dessus. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison, lorsque le rideau a été enlevé, il a fait de ce rideau sur lequel il y avait des images, il en a fait des coussins pour s'asseoir. Donc, c'est la preuve que si ces images ne sont pas exposées ou élevées, que dans ce cas-là, c'est pas grave si on marche dessus, si on s'assoit dessus, ça c'est permis. Il dit ensuite que les images également qui sont... Donc toutes les autres images, les images qui sont accrochées au mur, comme les gens, par exemple, qui mettent des cadres et qui mettent des photos de famille dans leur maison. Ça, tu trouves ça chez certains musulmans. Quand tu rentres chez eux, tu vois que sur le mur, ils ont mis les photos de leurs enfants ou les photos de leur famille ou les photos de leurs parents. Ou bien sur une commode, ils mettent, par exemple, des petits bibelots, hein, d'animaux ou d'êtres humains. Tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est interdit. Parce que le prophète, sallam, il a maudit ceux qui font des images, ceux qui font des représentations. Et ça vient des koufars. Il y en a beaucoup de ces pratiques-là, ça vient des koufars. Vous voyez, par exemple, chez les Grecs, les Romains, ils aimaient faire des statues, des sculptures. Et ils adoraient ces images-là aussi. Chez les hindous, la même chose. Chez les bouddhistes, vous trouvez la même chose. Ils font des statues, puis ils adorent ça. Mmh. Exactement. Bon, il y en a qui sont des photographes professionnels et il y en a qui font, par exemple, des images de personnes. Et sans compter ceux qui font des photos de ce qui est haram. D'accord? Donc, ceux qui font des photos de ce qui est haram, ça, c'est encore pire. Mais ceux qui font des photos d'êtres humains, ça, c'est haram en soi. Mais s'ils font des photos d'êtres humains en train de faire ce qui est haram, ou de façon pour montrer ce qui est haram, alors ça, c'est encore plus grave. Il y a des gens, yani Allah musta'an, comme on parlait du mariage tout à l'heure, et des fêtes de mariage, il y a des gens, yani, quand ils se marient, non seulement ils font la mixité dans leur mariage, mais peut-être même que certains, ils ne font même pas la mixité, mais ils vont amener dans leur mariage des caméras pour filmer la célébration. Et ça, c'est grave parce que beaucoup de femmes qui assistent ou qui viennent dans ces fêtes, même si ces femmes-là, en général, elles vont porter le hijab shar'i, mais dans ces célébrations-là, elles vont pas nécessairement se voiler, puisqu'elles se disent, on est entre femmes, donc pas besoin de se couvrir. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la cérémonie ou la fête est filmée. Et qu'est-ce que les gens font par la suite? Ils vont passer la vidéo. Hein, de cette fête, et ils vont faire regarder ça à tous leurs membres, de toute leur famille et les amis, et ils vont montrer les femmes des autres aux gens dans leurs vidéos. Ah, regarde, ça c'est la femme d'un tel, ça c'est la femme d'un tel, ça c'est la femme d'un tel, ça c'est la femme d'un tel. Alors que c'est des femmes qui, yani, ne se dévoilent jamais devant les hommes étrangers, yani. Sans oublier, yani, des filles, parfois, qui sont voilées, soi-disant, puis qui ont ouvert des comptes sur Twitter, ou bien sur Instagram, ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube, et qui vont commencer à se montrer sans voile. Ça, c'est complètement ridicule. Comment une femme qui met son hijab et qui va après s'exposer dans ses images ou dans ses photos sans voile ou sans hijab. Ça, c'est complètement ridicule, yani Allahu al-musta'an. Mais c'est ça la réalité actuellement de beaucoup de gens. Ils n'utilisent pas leur esprit. Et peut-être que certaines parmi ces filles-là, elles voient que d'autres filles, justement, qui ne craignent pas Allah, elles reçoivent beaucoup de commentaires ou de compliments ou de elles ont une certaine popularité parce qu'elles voient que des gens les suivent. Elles pensent, elles se disent, ah, peut-être moi aussi je pourrais être populaire si je montre, hein, je me montre et je me dévoile. Alors elles sont tentées par le shaitan, hein, pour faire ce genre de choses. Et elles pensent que dans cette popularité-là, il y a un bien pour elle. Et c'est triste parce que la réalité de la popularité, c'est que c'est juste une fitna. Et souvent, la popularité, ça n'amène que le malheur. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Déjà, pour les hommes, c'est un malheur. Alors, imaginez pour les femmes. Hein, c'est encore plus grave. Nasallallahu al-afiyah. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin de toi quand tu es populaire? Qu'est-ce que les gens veulent de toi quand tu es populaire? Hein? Yani, subhanallah, qu'est-ce que, de toute façon, qu'est-ce que tu peux leur donner? Hein? Ta popularité, c'est souvent juste une façon pour yani, te détourner du droit chemin. Naam. C'est pour ça, une fois, je disais... C'est pour ça, une fois que je disais, yani, le succès, ou ce que certaines personnes considèrent comme étant le succès, c'est en réalité le plus grand échec. Ça, c'est la vérité. Et ces gens, beaucoup de gens, par exemple, qui s'imaginent avoir réussi ou avoir accompli quelque chose dans la vie, si tu regardes sincèrement sur le plan de, sur le point de vue de la foi, sur le point de vue de la religion, tu vois que ces gens-là, en réalité, c'est un grand échec, leur vie. Le succès, exactement. Le vrai succès, comme tu dis, c'est dans l'au-delà. C'est pas dans ce bas monde. Et la réalité de leur situation, c'est lorsqu'ils vont être debout devant leur Créateur au jour de la résurrection et qu'ils vont réaliser que tout ce qu'ils pensaient avoir comme succès dans ce bas monde, c'était en réalité uniquement une illusion et que tout ça, c'était contre eux en réalité. Hein? Donc quand tu vois des gens qui sont heureux d'avoir réussi à faire ou à accomplir certaines choses dans ce bas monde, hein? Que ce soit parce qu'ils ont reçu de l'argent ou parce qu'ils ont réussi à faire un projet qu'ils voulaient ou d'obtenir quelque chose qu'ils désiraient. Et puis, par la suite, ils réalisent que... Hein? Certains parmi eux, ils réalisent que c'était pas un bien et ils reviennent au droit chemin. Mais d'autres, malheureusement, ils sont restés aveugles. Donc, c'est pour dire. Il y a des choses, parfois, tu regardes à un certain moment de ta vie et tu le désires profondément et tu penses que tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie sauf si tu as cette chose et sauf si tu l'obtiens, cette chose. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'en a privé de cette chose, tu penses que tu es la personne la plus malheureuse du monde. Et le temps passe, et plus tard, tu commences à comprendre et à réfléchir, et tu regardes en arrière et tu dis, « Alhamdulillah que Allah ne m'avait pas donné cette chose, parce que s'il me l'avait donnée, ça aurait été la perte, ça aurait été un malheur pour moi. Hein? » Donc, c'est juste pour dire, Yanni, comment parfois un mal ou quelque chose que tu considères être un mal peut être en réalité le plus grand bien pour toi, tandis que parfois le plus grand bien, toi tu penses que c'est un mal, mais c'est le plus grand bien en réalité. Exactement. Et comme le verset dans Surat al-Baqarah, il se peut que vous aimiez une chose, hein, alors que c'est un mal pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc c'est Allah qui sait, vous ne savez pas. Donc il faut arrêter de voir le monde ou voir la vie avec les yeux des kuffars et les lunettes des kuffars. Il faut commencer à voir la vie avec les yeux des mu'minines. Avec le regard des prophètes et des messagers d'Allah et des croyants. Parce que c'est la seule façon de vivre une vie qui est hein, droite sur ce que Allah aime. Mais d'arriver à comprendre ça, ça prend parfois une guidance, il faut que la personne soit bien guidée pour pouvoir comprendre cette réalité-là. Donc il dit le cheikh, il faut donc les photos qui sont accrochées, les photos qu'on garde par exemple dans des coffres ou dans des boîtes pour les souvenirs, hein, les photos qui sont accrochées au mur ou sur les tables, hein, ou dans des commodes ou dans d'autres, dans des endroits que les gens ils mettent leurs photos pour, hein, pour montrer, ils disent tout ça c'est haram. Et il dit, il faut les détruire. Il dit, si quelqu'un les détruit, il n'aura pas à dédommager la personne hein, à qui ces photos-là appartiennent, parce que ce sont des choses haram, des mauvaises choses. Il dit toutefois, c'est seulement celui qui a une autorité qui a le droit de les détruire. Sinon, tu ne dois pas le faire. Tu vas faire de la fitna, tu vas faire des problèmes si tu fais ça. Hein? Donc moi, je me rappelle, à l'époque, quand je suis devenu musulman, j'étais jeune, j'avais 16 ans quand je suis devenu musulman. Mais, alhamdoulilah, yani, ma mère, c'est sûr que ma mère, elle m'aimait beaucoup et qu'elle me faisait beaucoup confiance, yani, de façon générale. Et elle avait certains bibelots, des trucs comme ça. Moi, je les cassais toutes à chaque fois. Je les prenais, je les cassais. Et puis, je lui disais, mamie, même dans la Bible, c'est interdit, pourquoi tu fais ça? C'est sûr qu'il y en a des gens qui ont des parents qui sont vraiment durs, sévères. Si tu fais ça, ils vont te tuer. Mais ma mère n'était pas comme ça. Ma mère, elle n'était pas contente, mais elle n'allait pas me punir pour ça. Et puis Allah, il l'a guidée. Allah l'a guidée à l'islam quelques temps après. Donc, alhamdulillah. Mais c'est ça. Il y a d'autres personnes, ils sont dans d'autres situations. Je sais que si certains parents, là, si tu brises leur bibelot, pas par exprès, même par accident, hein, par accident, tu accroches ça, ah, ils vont. Oui, oui, juste par erreur, oui. Ah non, c'est ça, surtout à notre époque. Pourquoi les gens, comme tu dis, ils vont te prendre, si tu leur dis, écoute, ça c'est haram, t'as pas le droit de mettre sur le mur, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Ils vont penser que tu... Que, comme si, qu'est-ce que tu es en train de leur dire là? C'est comme si tu es devenu fou. Et si tu casses sans leur demander de conscience, ça va être peut-être la coupure avec cette personne. Oui, ça va être peut-être... Oui, ils vont te bannir totalement. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la hikma, sagesse. Et puis aussi, il faut tenir compte de la situation. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit... Lakin الذي يتلفها هو من لديه سلطة. Celui qui a le pouvoir dans la maison, c'est qui? C'est le père de la maison. Si le père, il décide de le faire parce qu'il a compris que c'est haram, dans ce cas-là, lui, il peut le faire. Mais toi, fais-le pas. Hein, si tu sais que ça va amener du mal ou des problèmes. Hein, moi, je me rappelle, j'avais pris la télé, je l'avais jetée. Mais c'est pas quelqu'un dans sa maison, quelqu'un ne peut pas faire ça. Sinon, hein, si tu rentres à la maison, tu dis à ton père, écoute, on va acheter la télé parce que y a plein de choses haram là-dedans. Non, c'est clair que ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Mais bon, chacun il est dans une situation différente. Si tu sais que tes parents, ils t'écoutent, et ils comprennent. Et si tu leur dis quelque chose, ils vont t'écouter. Ils vont pas te faire de d'ennui. Ça, c'est une chose. Mais si tu sais que tu es dans une autre situation, c'est différent. Donc moi, ma mère, la relation que j'avais avec elle, c'était pas une relation qui est comparable avec certaines personnes. Comment ils ont comme par exemple leurs parents qui sont très très sévères, qui sont très durs, s'ils font quelque chose, ils vont être punis. Ma mère était très très douce avec moi, très compréhensive, et elle était patiente aussi. Puis quand elle a su que je suis devenu musulman, elle a essayé de comprendre, elle voulait discuter, elle voulait me demander des informations. Elle avait des discussions pour essayer de comprendre elle aussi. Puis finalement, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée à l'islam par la suite. Donc ça a été un bien, alhamdoulilah. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit « Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li Ali radiyallahu anhu la tada' suratan illa tamastaha » قال علي لأبي الهياج التابعي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور أما أنها تزوق وتعلق ويعتنى بها وتوضع في بروازير براويز للزينة فهذا كله من دين الجاهلية وهذا هو الذي أوقع قوم نوح في الشرك لما نصبوا الصور وعلقوها وطال الأمد نسي العلم وجاء الجهال جاء الشيطان وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينكر عليهم ذلك فعصوه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا أي لا تطيع نوحا ولا تترك هذه الآلهة وهذه الصور هكذا يوصي بعضهم بعضا والعياذ بالله وهذا أصل الصور وهذه مضرتها على الأمة أنها منشأ للوطن للوثنية ولو على المدى البعيد والشيطان لا ييأس إذا رأى في الناس قوة وصلابة ودينا سكت ينتظر فإذا ضعف المسلمون ومات العلماء فإنه يدب إلى المجتمع ويزين لها أو يزين لهم ويوقعهم في الشرك ولو على المدى البعيد لأنه لا ييأس وإنما يستثنى التصوير الضروري للبطاقة الشخصية أو رخصة السياقة أو رخصة القيادة ونحو ذلك من الضرورات لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. Donc le cheikh il termine ce sujet là en mentionnant l'exemple de Ali radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comme c'est rapporté par Muslim ne laisse aucune image sans la détruire. Et Ali radiallahu anhu par la suite à son époque il a dit à un tabi'i Abu al-Hiyaj il lui a dit veux-tu que je t'envoie dans une mission dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé. Ne laisse aucune image sans la détruire et ne laisse aucune tombe surélevée sans la niveler. Et donc, ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné, de détruire les images. Et il dit qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les embellissent, hein, ils s'en occupent, ils les gardent, ils mettent des cadres hein, pour les afficher. Il dit tout ça, ça fait partie de la religion de l'ignorance, la religion pré-islamique. Et c'est ça qui a fait tomber le peuple de Nuh dans le shirk, lorsqu'ils ont accroché des images de leurs hommes pieux. Après un certain temps, les gens ont oublié la science et les ignorants sont venus et le shaitan a dit « Vos ancêtres avaient mis ces images uniquement pour qu'on les adore. » Alors, c'est comme ça que le shirk est apparu sur la terre. Hein? Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé son prophète Nuh alayhi salam et il leur a dit hein, que ce qu'il faisait c'était interdit, que c'était mal, que c'était du shirk. Et eux, ils ont désobéi à Nuh et ils ont dit ne laissez pas vos divinités et ne laissez pas Wad et Sua et Yaruth et Ya'uq et Nasr. Hein? C'était des hommes pieux. Hein, qu'ils vénéraient. Hein, c'était des hommes pieux dans le passé. Ils ont fait leurs images, puis ils ont commencé à les adorer ou à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Alors ils ont dit, n'obéissez pas à nous et continuez de les adorer, ces images. Hein? Et donc ils se conseillaient aux uns et aux autres de rester sur le shirk. Et c'est à la base... Hein, que c'est par cette base-là que le shirk est apparu dans le monde et ça montre le mal qu'il y a dans le fait de faire des images et des représentations humaines ou animales Et c'est pour ça que l'islam a interdit ce genre de choses. Parce que c'est à la base de l'idolâtrie. Hein? Allahul Musta'an. J'ai vu au Sénégal, subhanallah, ils ont construit une grosse statue immense en haut d'une montagne, yani, Allahul Musta'an. Et dans d'autres pays, il y a des statues comme ça, des représentations, sans parler des dômes et des mausolées qui sont construits sur les tombes. Tout ça, c'est des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Et le cheikh, il dit, peut-être que c'est pas tout de suite, peut-être c'est dans 2 générations, 3 générations, 4 générations, les gens vont commencer à faire le shirk. C'est comme ça que le shaitan, il regarde loin. Peut-être que nous, on regarde maintenant, on dit, non, nous, on a la science, on connaît, hein, on va pas tomber dans l'égarement. Mais le shaitan, lui, il calcule déjà, il pense à tes petits-enfants, tes petits arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Il commence déjà à calculer quand est-ce qu'il va, comment il va les égarer plus tard. Hein? Donc peut-être que tu te dis, moi, je suis correct. Hein? Et puis, tes enfants, ils vont s'égarer. C'est comme les musulmans qui sont venus s'installer ici au Canada ou en Europe ou ailleurs. Ils ont dit, ah, au moins je vais sécuriser l'avenir de mes enfants. Au moins, ils vont avoir des études et tout. Qui t'a dit qu'ils vont rester dans l'islam et que leurs enfants à eux vont rester dans l'islam et que leurs petits-enfants vont rester dans l'islam? Peut-être qu'ils vont devenir chrétiens, peut-être qu'ils vont devenir juifs, peut-être qu'ils vont devenir athées parce qu'ils sont dans une société qui n'est pas musulmane. Donc, il ne faut pas t'étonner. Hein? Mais le shaitan, il calcule. Toi, tu calcules, mais le shaitan, il calcule à long terme. Et même les koufars, quand ils ont ouvert leurs portes hein, à ce genre d'immigration, ils avaient des calculs, ils avaient des plans. Hein, et ils se sont dit, allez, après quelques générations, ils vont s'assimiler. D'accord? Donc c'est pour ça. Mais nos salafs, ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les générations à venir essaient de rester sur l'islam et s'accrochent à l'islam. En faisant des sociétés musulmanes. Et nous, on sort de ces sociétés-là pour s'installer parmi les gens qui ont dévié de la voie d'Allah. Et puis, on s'imagine qu'on va pouvoir, dans ces sociétés-là, se préserver dans notre foi. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est clair. Ala kulli hal, le cheikh, il dit, le shaitan, quand il voit que les gens, ils ont une force dans leur religion, hein, quand ils ont une fermeté dans leur religion, il se tait et il attend. Quand il voit que les musulmans commencent à être faibles, et que les ulamas commencent à mourir, et qu'ils commencent à avoir plus d'ignorance dans la société musulmane, il commence à essayer de leur embellir le shirk, et à les faire tomber dans le shirk. Donc il calcule à long terme, et il ne perd jamais l'espoir d'égarer les gens. Et la seule exception de ce qui est permis par rapport aux représentations et aux images, c'est les photos pour les cartes d'identité ou les permis de conduire. Parce qu'il dit le cheikh, ça rentre dans les nécessités. Et il cite le verset 119 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et Allah vous a détaillé ce qui a été interdit pour vous, excepté ce qui rentre dans la nécessité. » Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.